العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue inshallah ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on est toujours dans le chapitre de la foi au jour dernier, الإيمان باليوم الآخر. On a vu déjà plusieurs choses qui rentraient dans cette foi-là. Tous les chapitres que le Cheikh a cités, à travers bien sûr les questions et les réponses. Et on s'est arrêté à la question numéro 118. À la question numéro 118. فيقول الشيخ رحمه الله كيف صفة نشر الصحف من الكتاب، c'est-à-dire comment le déroulement des feuillets, les feuillets où se trouvent les actes des hommes écrits, est-il décrit selon le Coran, selon le Coran. Donc ça c'est la question du Cheikh. Donc on a vu la semaine dernière de façon détaillé tout ce qui est en relation avec l'arbre et tout ce qui est en relation avec l'hisab ou l'munaqasha. Et donc on avait vu qu'il y avait l'hisab se divisait en deux catégories ou deux parties, et qu'il y avait donc la première catégorie qui était l'arbre et la deuxième catégorie qui était l'munaqasha. On a vu la différence entre les deux, on a tout expliqué, et donc le cheikh continue par rapport à cela. Et donc on voit ici l'intérêt de cette question qui vient tout de suite après ce qui concerne al-hisab, parce qu'à ce moment-là, il va donc avoir le déroulement des feuillets, c'est-à-dire que les gens, ils vont voir ce qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Et le cheikh donc, il vient, comme à son habitude, en citant des versets du Coran, donc en prenant des preuves du Coran dans un premier temps, et ensuite, bien entendu, il prend des preuves de la Sunna, comme cela va venir dans la deuxième question, lorsqu'il dit ma dalil dhalik min as-sunnah, c'est-à-dire le premier verset qu'il cite c'est le suivant. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre. ونخرج له يوم القيامة كتابا. Et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit. يلقاه منشورا, qui trouvera déroulé. اقرأ كتابك, lis ton écrit. C'est-à-dire donc, ici, c'est ce qui va se trouver, c'est ce qui va se trouver décrit sur ces feuillets. Lis ton écrit. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est-à-dire que tes œuvres, tu vas les voir devant toi. Et tu pourras voir ce qui a été fait de bien, ce qui a été fait de mal. Cela sera présent devant tes yeux. L'autre verset qui nous cite le shir, c'est le suivant. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Donc on voit ici le terme employé, الصُّحُف. On voit le terme employé dans ce verset, الصُّحُف, alors qu'auparavant le terme qui était employé c'était كِتَابًا الْكِتَابًا, c'est-à-dire الْكِتَابَ, et ici الصُّحُف. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Et quand les feuilles ou les feuillets seront déployés. Et quand les feuilles seront déployées. Encore donc une deuxième preuve que le cheikh nous apporte par rapport à cela. Et ensuite la deuxième preuve qu'il nous rapporte, ou la troisième preuve du Coran, et qui prouve donc le déroulement des feuillets, qui est le suivant, qui est le verset suivant. يقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chacun. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Et on déposera le livre de chacun, de chaque personne. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. Et tu verras alors les criminels effrayés. مِمَّا فِيهِ. À cause de ce qu'il y a dedans. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. Ils dirent, malheur à nous. Ils disent, malheur à nous. Ma hadha al-kitab, ma li hadha al-kitab, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. T'as donc ce livre à nous mettre ni péché mineur ni péché majeur, sans le mentionner. C'est-à-dire que toutes les œuvres elles sont présentes. De la plus petite à la plus grande, elles sont présentes. On voit ici qu'Allah Azza wa Jal يقول لا يغادر. Ce livre là il n'omet aucun péché, qu'il soit mineur ou qu'il soit majeur. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Donc en premier, dans un premier temps, Allah Azza wa Jalla a décrit les petits péchés, ensuite les grands péchés. صغيرة ولا كبيرة. Et on a vu que dans le Coran, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla utilise ces deux termes, صغيرة ou كبيرة ou أصغر ou أكبر, tout le temps il vient en premier le terme sarir ou le terme asrar, c'est-à-dire plus petit ou petit, qui est donc devancé, qui devance à chaque fois le deuxième terme, qui est bien sûr ici à son opposé et qui est al-kabir ou comme ici kabira ou akbar. Ensuite, l'autre verset qui nous cite le shir, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه فيقول ها أم اقرأ كتابيه. Quant à celui qui a reçu son livre en sa main droite, il dira tenez, lisez mon livre. Donc on voit ici أوتي كتابه بيمينه, en sa main droite. Et bien sûr, le verset continue, il dit le shir jusqu'à sa parole, لا يأكله إلا الخاطئون. Donc c'est le verset qui va jusqu'à cette parole d'Allah Azza wa Jal. Seuls les fautifs en mangeront. Donc le shir, il a cité le début du verset, ensuite la fin du verset. Et également, il nous dit le shir fi surat Al-Inshiqaq, où Allah Azza wa Jal il dit dans ce verset ou dans cette sourate et dans le verset suivant, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ, celui qui recevra son livre en sa main droite. Donc ici encore il est cité al-yamin, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal fera que la personne recevra son livre de par la droite, بِيَمِينِ, c'est-à-dire sa main droite. Et ensuite l'autre verset qui est cité ou que le shir cite, qui est le suivant, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. Le shir va nous dire ensuite ici que ceci indique que celui qui recevra son livre de sa main droite le recevra par devant. Donc ici on voit que d'après les versets du Coran, celui qui va recevoir son livre de la main droite, il va le recevoir devant lui, c'est-à-dire qu'il va venir de devant lui son livre. Taïeb. Par contre, celui qui va recevoir le livre de la main gauche, alors il va le recevoir de derrière son dos. Ayadan billah, il va le recevoir de derrière son dos, celui qui va recevoir son livre de la gauche. Et c'est pour ça que dans le dernier verset qu'il a cité, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, derrière son dos. Et donc c'est la personne qui va recevoir son livre de par la main gauche et de derrière. De la main gauche derrière, et celui qui le recevra de la main droite de devant. Wallah al-musta'an. Ensuite, donc, la deuxième question du livre, le shir, il va passer donc aux preuves qui viennent de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu les preuves du Coran. Et maintenant, il vient avec les preuves de la sunna. Il va nous rapporter le shir, il va nous rapporter un hadith. Il va nous rapporter un hadith. Et qui est long. Il faut savoir, en fait, que ce hadith, il est en deux parties. C'est en fait deux hadiths. Le shir, il le cite. Il va le citer directement. On pourrait croire en fait que c'est un seul hadith, mais il faut savoir qu'il y a deux hadiths. Parce qu'il va le citer, comment dire, d'une part, sans faire la différence, ou sans dire que le premier hadith est le suivant, et ensuite le deuxième hadith, il va directement citer. On va voir donc, après que le verset soit cité, on va voir qu'il directement dit « وَقَالَتْ عَيْشَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ » etc. C'est-à-dire la suite du hadith. Donc il y a deux hadith ici. Le premier hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Par contre, le deuxième hadith, il va falloir regarder au niveau de son authenticité. Taïb. Le premier hadith, il est le suivant. Et donc, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Awalan, il nous dit « Fihi ahadithun kathiratun minha qawluhu » sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hadiths. Le shir nous dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont relatifs aux preuves que suhuf, c'est-à-dire les feuillets, seront déployés. Et le hadith, il est donc le suivant. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: yudna al-mu'minu min rabbi hatta yada'a alayhi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubih. Ta'rifu dhanba kadha? Yaqul a'rif. Rabbi a'rif marratan, fayaqul satartuha fi ad-dunya wa aghfiruha laka al-yawm. ثم تطوى صحيفه حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Donc le hadith est le suivant: le croyant sera rapproché de son Seigneur jusqu'à ce qu'il le mette sous son égide, puis lui fasse reconnaître ses péchés. Reconnais-tu tel péché? Et il, le croyant, dira deux fois: je reconnais, Seigneur, je reconnais deux fois. Ensuite, il dira Allah Azza wa Jal: je te l'ai caché dans le bas monde. Satartuha fi ad-dunya, c'est-à-dire que je l'ai caché. Les gens, personne n'a pu savoir ses péchés. C'était entre toi et Rabbi, entre toi et ton Seigneur. Allah Azza wa Jal n'a fait que, ils sont restés cachés ses péchés, ou ce péché. Je te l'ai caché dans le bas monde, et voilà que je te le pardonne aujourd'hui. Allahu Akbar. Wa aghfiruha laka al-yawm. Donc on voit ici que c'est al-'ard. On voit ici que c'est al-'ard, la munaqasha. Par rapport aux définitions qu'on avait données, on s'aperçoit bien ici que c'est al-'ard. Qu'Allah Azza wa Jalla il pardonne ce péché, 'ard. Ici donc, il montre Allah Azza wa Jalla cela, et ensuite il le pardonne. Donc on voit bien que ça rentre ici dans la deuxième catégorie, ou la première catégorie qui est al-'ard, et qui est une des catégories de Al-Hisab. Il dit ensuite, le feuillet de ses bonnes actions se replieront, ou se repliera. Ensuite, le feuillet de ses bonnes actions se repliera. Et quant aux autres, ça c'est par rapport aux kuffar ou aux incroyants. C'est-à-dire, dans la version, il y a أَمَّا الْآخَرُونَ أَوْ الْكُفَّارُ. C'est-à-dire, quant aux autres ou aux incroyants, ils seront appelés devant tout le monde. أَلَا رُؤُسِ الْأَشْهَادِ, devant tout le monde. Et ensuite, donc, il a cité ce verset. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاُولَٰئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Et les témoins, ici les témoins c'est les anges, disent, voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Ça c'est pour ce qui est du hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Ensuite, il y a un deuxième hadith que le shir va nous rappeler. Donc on va le citer dans un premier temps, et ensuite on va parler par rapport à son isnad, parce que c'est important de savoir quel va être son statut au niveau de l'authenticité. Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on le rejette? Le verset, le hadith, c'est le suivant. Et c'est un hadith qu'on va voir qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, qui est rapporté également par l'imam Ahmed, et qui est également rapporté par Al-Hakim fil Mustadrak. Et qui est le hadith suivant. وقالت عائشة يا عائشة دي رضي الله عنها قال الله لك قلت يا رسول الله وبحفد الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة est-ce que elle demande donc à Aïcha au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que l'époux va se rappeler de son de sa bien-aimée le jour du jugement ou l'épouse se rappelle de son bien-aimé le jour du jugement que ce soit l'un ou l'autre et le prophète صلى الله عليه وسلم répond يا عائشة أما عند ثلاثين فلا أو عائشة non pas dans trois c'est-à-dire ici trois situations أحوال فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا auprès de la balance jusqu'à qu'elle soit lourde ou légère donc au moment de la balance il ne se rappellera pas أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا ça c'est la première situation et la deuxième وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا donc هذا هو الشاهد ici bien sûr c'est le témoin argumentatif par rapport à la preuve que le shir nous apporte pour dire que dans la sunna il y a des hadiths qui ont cité le déroulement des feuillets وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا lorsque les registres des actions s'envoleront ils recevront le sien soit de la main droite soit de la main gauche comme on l'a vu donc soit de devant soit de derrière وحين يخرج عنق من النار et lorsque sortira un coup du feu à la kulli hal par rapport à ce hadith on a dit qu'il était rapporté par l'imam Abu Daoud l'imam Ahmed et également l'imam Al-Hakim pour ce qui est de l'isnad qui est d'Abu Daoud il faut savoir que l'imam al-Albani rahmatullah alayh ba'afa l'isnad qui se trouve auprès de l'imam Abu Daoud c'est à dire qu'il a rendu l'isnad qui était faible il faut savoir que dans l'isnad il y a Hassan al-Basri qui rapporte de Aïcha et on sait que Hassan al-Basri yursil c'est à dire que il cite directement le sahabi Al-Hassan al-Basri, sachant qu'il est, lui, il fait partie donc des jeunes qui n'ont pas eu, ou dans la plupart des cas, ils n'ont pas eu en fait accès aux sahabis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu de sahabis. Il faut savoir ici, il y a irtilaf des savants par rapport à ce qu'il a raconté, est-ce qu'il a raconté des sahabis ou pas à la kulli hal. Pour ce qui est de l'avis de l'imam al-Albani par rapport à cela, lui, il voit en fait que le hadith ici, il n'est pas considéré comme authentique par rapport à ce qu'on appelle illah à la kulli hal. Il faut savoir également qu'il y a une deuxième isnad qui se trouve auprès de l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Et donc dans la deuxième isnad, on trouve un des rawis qui est connu, très connu des savants du hadith, et qui s'appelle Abdullah ibn La'i'a. Ça, c'est un des grands rapporteurs des hadiths, mais il y a eu une grande divergence chez les savants pour savoir est-ce qu'on accepte son hadith ou est-ce qu'on n'accepte pas son hadith. Donc, beaucoup de savants qui ont rejeté son hadith, mutlaqan, c'est-à-dire ils ont cité que c'est un rawi qui est da'if et d'autres l'ont accepté et d'autres au milieu de cela ils l'ont accepté avec des conditions et il faut savoir que parmi les conditions c'est que il faut que des personnes bien précises rapportent de lui le hadith et pourquoi cela il faut savoir que Abdullah ibn Al-A'iya il était rendu faible de par en fait sa mauvaise mémorisation. C'est-à-dire qu'il avait une mauvaise mémorisation, automatiquement cela influe sur le hadith lorsque le rapporteur le cite. S'il n'a pas une bonne mémorisation, il peut en fait rapporter des hadiths qui ne sont pas comme il les a entendus. Donc cela a une influence directe par rapport à l'acceptation du hadith du rapporteur. Et il faut savoir, et ça c'est l'essentiel par rapport à cette personne-là, que ces livres, ils ont été brûlés. Et lorsque ces livres, ils ont été brûlés, et sachant qu'il avait une mauvaise mémorisation, il n'a pas pu revenir donc sur ces livres, sur ce qu'il avait écrit comme hadith. Donc comme il a continué donc à citer les hadiths, un hadith, il y a eu ici un al-ikhtilat, c'est-à-dire qu'il a mélangé. Ici, il a mélangé les hadiths, tayyib, et donc al-ikhtilat, bien sûr, ça aussi c'est une cause du rejet du hadith, comme cela est connu dans la science du hadith. Donc de façon générale, le hadith il n'est pas accepté de Abdullah ibn al-Aya, et ici on l'a dans l'isnad. Mais les savants comme l'imam al-Albani, rahmatullah alayh, ils disent qu'on accepte son hadith lorsque trois des personnes rapportent de lui. Lorsque trois des personnes rapportent de lui, et c'est ce qu'on a, et ces trois personnes, ce sont des Abdullah. C'est pour ça qu'on les appelle al-ibadillah al-thalatha. Al-ibadillah al-thalatha. Et qui sont Abdullah ibn al-Mubarak, ou Abdullah ibn Wahab, ou Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Ces trois rapporteurs, lorsqu'ils rapportent un hadith de Abdullah ibn al-A'iya, ce sont donc, c'est un hadith qui va être accepté. Pourquoi cela? Parce que eux, ils ont rapporté les hadiths de Abdullah ibn al-A'iya avant que ces livres soient brûlés et avant donc qu'ils mélangent les hadiths, avant qu'ils tombent dans ce qu'on appelle l'ikhtilat. Qablan, qabla l'ikhtilat. Tayyib. Donc ça, c'est les conditions d'acceptation du hadith que l'on trouve, ou lorsqu'on trouve Abdullah ibn al-A'iya dans une isnad. Et ici, dans l'isnad, c'est Yahya ibn Ishaq qui rapporte de Abdullah ibn al-A'iya. Et donc, non un des trois Abdullah qu'on a cité précédemment. Donc à partir de là, al-isnad, elle reste da'if. Parce que Abdullah ibn al-A'iya, il est donc da'if à l'origine, sauf, comme on l'a dit, si les trois Abdullah rapportent de lui. Donc ça, c'est une faïda que l'on donne pour savoir en fait que la science du hadith elle est précise dans un premier temps, et dans un deuxième temps pour savoir que bien entendu à chaque fois qu'il y a un hadith qui est cité, il faut en savoir son authenticité, car on ne peut attribuer un hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le hadith n'est pas authentifié chez les savants bien sûr du hadith. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et que chaque talib al-ilm, chaque personne qui étudie la religion, il doit y prêter attention. Yurakiz ala dhalik, tarkizan shadidan, c'est-à-dire qu'il doit être qu'il doit se concentrer par rapport à cela. Chaque fois qu'il étudie un hadith, de savoir son authenticité ou pas. Donc ici c'est un exemple. Et donc de par ces deux isnads, on voit que les deux isnads sont da'if, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici authenticité du hadith. Et c'est pour ça que l'imam al-Albani, donc, par rapport au hadith qu'a rapporté Abu Daoud, qui est une des isnades, il n'a pas authentifié le hadith. Que ce soit fil Mishkat, que ce soit Kadhalik fi Da'if Abi Daoud, etc. Et d'autres livres également. Donc voilà pour ce qui est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il y en a un que le cheikh a cité qui est authentique, qui se trouve au début. Ensuite, le cheikh rahmatullah alayhi, il va nous parler de ce qu'on appelle al-mizan. Il va nous parler de ce qu'on appelle al-mizan. Et il faut savoir qu'al-mizan, que l'on traduit donc par la balance, ça va être également une des épreuves du jour du jugement. Ça fait partie des situations que la personne va vivre le jour du jugement. Donc cette situation qu'on a vue, et qui est le fait de recevoir ses feuillets, de recevoir son livre, Al-Kitab, Suhuf, et qu'ensuite également auparavant on a vu Al-Hisab, également Al-Hisab, on a vu que ce sera Al-Arb, ou soit ce sera Al-Munaqasha, où on l'expliquait dans le verset, ou dans les cours précédents, Arfwan, dans les cours précédents, de manière détaillée. Donc maintenant le shir, il passe ce qu'on appelle al-mizan. Il faut savoir en fait que al-mizan, au niveau de la langue arabe, al-mizan, ça veut dire l'adl. Al-mizan, au niveau de la langue arabe, si on peut l'écrire ces termes, si on peut l'écrire le terme en arabe comme on fait d'habitude, si on peut écrire les termes en arabe, barakallahu fikoum. Donc al-mizan, si on écrit ce terme, si on avait pu écrire auparavant ce qu'on a cité as-suhuf, aw-nashr as-suhuf, tous ces termes-là qu'on les écrive en arabe et qu'on les donne également en phonétique pour que les gens puissent apprendre du vocabulaire. Qui c'est qui a fait l'ouart? Ça sort au moment elle peut les écrire en arabe et ensuite qu'on les écrive en phonétique. نشر الصحف وكذلك الميزان. طيب. Pour ce qui est de la mizan, on a vu qu'au niveau de la langue arabe, ça veut dire al-adl. Ça veut dire al-adl, al-adl, et qui veut dire la justice. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Lorsqu'on dit al-mizan, au niveau de la langue arabe, ça veut dire al-adl. Et ça veut vouloir également dire al-ala, c'est-à-dire l'appareil qui est connu et que l'on connaît, que tout le monde connaît, la balance. Donc soit on veut vouloir dire par le terme al-mizan al-adl, ou soit on peut vouloir dire également l'appareil que l'on connaît, l'ala. Et par rapport au, dans le Coran, al-mizan est venu avec sa signification au niveau de la langue arabe et qui veut dire, ou l'une de ses significations qui veut dire al-adl. Kama fi qawlillah azza wa jal, was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Et le ciel, il l'a élevé, donc Allah azza wa jal a élevé le ciel, et le ciel il l'a élevé, et il a placé al-mizan. Et ici al-mizan c'est ma'na al-adl, comme l'a rappelé al-mufassir ibn Kathir rahmatullah alayh. Il dit al-mizan ma'na al-adl. Donc on voit ici que ça prend le terme de la langue arabe direct, tayyib al-adl, wa wada'a al-mizan, c'est-à-dire c'est-à-dire il a placé la justice. Et ça, dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui prennent la même signification. Le terme al-mizan prend la même signification. Et shara'an, c'est-à-dire au niveau de la religion, son acceptation de ce terme au niveau religieux. Ils disent les savants, mizanun haqiqi hissi, mizanun haqiqiyun hissiyun law kiffatan. C'est donc une balance, donc ici l'appareil comme on le connaît, comme on le sait. Mais il faut savoir que al-mizan, Allah Azza wa Jal sait le mieux comment elle est cette mizan, c'est-à-dire au niveau du jour du jugement. Dans l'au-delà, comment elle sera cette mizan? Mais on a quand même des caractéristiques qui nous sont données. Donc ils disent les savants, et bien sûr des caractéristiques qui sont prises de la sunna du prophète et également des versets et de la sunna. Mizanun haqiqiyun hissiyun, c'est-à-dire c'est une véritable balance. C'est une véritable balance hissiyun qui est palpable, c'est-à-dire que l'on verra, que l'on peut toucher. Donc c'est mizan haqiqiyun hissiyun. Là-haut qui fatane, c'est-à-dire qu'elle a deux balances. Yada'u Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah li wazni a'mal al-ibad. Il va la placer Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Pourquoi? Li wazni a'mal al-ibad. Pour qu'il mesure ou pour qu'il pèse les actions des serviteurs. Et on va voir également qu'il y a divergence entre les savants par rapport à ce qui est pesé. Le shir nous cite plusieurs versets qui nous citent Al-Mizan ou qui fait allusion à la balance. Et c'est pour ça qu'il dit le shir donc dans cette question: ma dalilul mizani min al-kitabi wa kayfa sifat al-wazn wa kayfa sifat al-wazn. C'est donc quelle est la preuve de l'existence de la balance tirée du Coran, donc ici des preuves du Coran, et comment la pesée est-elle décrite, comment cette pesée là va être décrite. Il prend un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla يقول وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nous placerons les balances exactes. L'yom al-qiyama, donc au jour de la résurrection, l'yom al-qiyama, fala tudlamu nafsum shay'a, nul âme ne sera lésée en rien. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, fiche du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Wa kafa bina hasibin, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Ça, c'est un des versets. Et on voit qu'ici que le terme employé est al-mawazin. On va voir également qu'il y a divergence entre les savants. C'est pour ça que l'on rappelle le terme qui est employé par le verset du Coran ici et qui est au pluriel, c'est-à-dire al-mawazin, qui est le pluriel donc de mizan, al-mawazin. Un autre verset que le shir il cite où Allah Azza wa Jalla dit: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن يومئذ الحق, et la pesée ce jour-là sera équitable. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, donc celui dont les bonnes actions peseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et donc ici le terme employé, le wazn, qui est traduit par la pesée. Également un autre verset qui nous cite le shir: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et quant à ceux dont les bonnes actions peseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte, de leur âme, et ils demeureront éternellement en enfer. Il dit aussi au sujet des incroyants, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dit à propos des incroyants, le kuffar, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, nous ne leur assignerons le jour de la résurrection aucun poids. Ça c'est pour ce qui est des versets du Coran. Ensuite, on va citer ce que le shir a cité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite on reviendra par rapport au irtilaf, c'est-à-dire des divergences par rapport au savant. Donc il demande dans sa question le shir, quels sont ma dalil ou valika min sunna. Donc maintenant il passe le shir rahmatullah alayh à ce qui se trouve dans la sunna et qui concerne al-mizan, qui concerne donc la balance. Il va rapporter donc plusieurs hadiths et il nous dit: c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hadiths également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Et il nous dit: hadith al-bitaqa allati fiha ash-shahadatan wa annaha turajjih bi 90 sijilan min as-sayyi'at kull sijilin minha mud al-basar. Il va donc faire allusion ici le shir à un des versets ou un des hadiths arfouan du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va citer entièrement et qui s'appelle hadith al-bitaqa. Al-bitaqa qu'on peut traduire par la carte, c'est-à-dire une petite partie où est écrit certaines choses, c'est-à-dire quelque chose de petit, comme une petite carte, que ce soit en tissu, que ce soit en autre, ce qu'on appelle al-bitaqa. Et c'est un hadith qui est authentique, hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, qui est rapporté également par al-Tirmidhi wa ibn Majah wa ibn Hibban wa al-Hakim wa al-Bayhaqi, et qui est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani fi Sahih al-Jami', hadith numéro 1776. Et donc hadith al-bitaqa, qui est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة donc معنى سيخلص بمعنى سيختار, c'est-à-dire qu'il va choisir, il va préférer, سيميز, préférer un parmi d'autres, parmi ma communauté, parmi donc la communauté du prophète, la communauté musulmane, à la rousse al-khalaiq, c'est-à-dire devant tout le monde, yawm al-qiyama, le jour du jugement, fayanshuru alayhi tis'atan wa tis'ina sijjila, c'est-à-dire qu'on va déployer devant lui 99, donc sijjila, ce qu'on peut traduire en fait par kitaban kabira, ce qu'on pourrait traduire par comme un parchemin, mais un livre qui est très très grand, un livre qui est immense. Et c'est ce qu'on va voir lorsqu'il dit le prophète sallam, kullu sijjilin mithlu mad al-basar, mithlu mad al-basar, kullu sijjilin mithlu mad al-basar, c'est-à-dire que chaque, il y en a 99, et chaque grand livre ou chaque parchemin, on ne peut, c'est-à-dire que là où s'arrête notre vue, là où on a la capacité de voir, se trouve encore ces livres ou ces parchemins. Donc regardez la grandeur de ce parchemin. Et il y en a 99. Il y en a 99 comme cela. ثم يقول, donc Allah عز وجل يقول, ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبي عفوا كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب. Donc à ce moment-là, il va demander Allah عز وجل, il va lui dire, est-ce que tu renies ceci, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur ces 99 livres qu'ont écrit, ou est-ce que t'ont fait injustice ceux qui ont écrit ici المقصود بكتبتي الحافظون, bien sûr les anges qui écrivent les actions des hommes. Est-ce qu'ils t'ont fait injustice, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des choses en plus que toi tu n'as pas fait. Il reconnaît donc la yarab, il reconnaît l'esclave, il dit la yarab, il dit non mon seigneur. فيقول أفلك عذر, il demande à Allah عز وجل, est-ce que tu as une excuse pour cela, pour 99 livres que l'on voit, pour 99 livres que l'on voit, est-ce qu'il y a une excuse pour cela? فيقول لا يا رب, c'est-à-dire il dit non au mon Seigneur, il reconnaît donc ici تقرير يقرر بذلك, il reconnaît. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة, il dit à ce moment-là عز وجل, au contraire, tu as auprès de nous donc une hasana. Tu as auprès de nous une hasana. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِتَاقَ, c'est-à-dire il n'y aura pas d'injustice qui te sera fait ou contre toi ce jour-là. Et donc à ce moment-là, فَتَخْرُجُ بِتَاقَةٌ, il y a donc une bitaqa, une carte qui va sortir. فِيهَا, et elle écrit, il est écrit dessus, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ الشَّهَادَتَانِ, il écrit les deux témoignages, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son envoyé. فيقول احضر وزنك, c'est-à-dire apporte donc le wazn ici le mizan, c'est-à-dire donc ta balance. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, il dit oh mon Seigneur, qu'est-ce que cette bitaqa, c'est-à-dire qu'est-ce que cette carte devant tous ces livres de mauvaises actions, ces 99 parchemins. فقال الله عز وجل il dit إنك لا تظلم. Il lui dit tu ne seras point où aucune injustice ne te sera fait. قال فتوضع السجلات في كفة. فتوضع السجلات في كفة. C'est-à-dire qu'on va placer les 99 d'un côté de la balance. في كفة. والبطاقة في كفة. Et la bitaqa, c'est-à-dire cette carte, donc sur l'autre balance. Et qu'est-ce qui se passe ? فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les 99 vont se rabaisser. يعني فطاشت يعني خفت. Elles vont devenir légères. Elles vont donc s'élever. وثقلت البطاقة. Et au contraire, البطاقة, cette petite bitaqa, cette petite carte, elle va devenir très lourde jusqu'à donc qu'elle fasse descendre l'autre extrémité de la balance. Et donc à ce moment-là, bien sûr, ça sera البطاقة qui va être plus lourde que 99 livres où il est inscrit des mauvaises actions. Et ensuite, يقول فلا يثقل مع اسم الله شيء. يعني بمعنى لا يقاوم شيء من المعاصي بل يترجح ذكر الله تعالى على جميع المعاصي. C'est-à-dire que rien n'équivaut au nom d'Allah Azzawajal devant tous ses péchés. Et que le nom d'Allah Azzawajal, qui est donc cité dans cette shahada, va l'emporter sur tous ses péchés. Et donc à partir de là, la personne, بكلمات لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, tous ses péchés vont lui être effacés. Tous ces péchés vont être effacés. Allahu Akbar. وهذا من رحمه الله عز وجل. ما في شك. C'est-à-dire, ça fait partie de la miséricorde d'Allah عز وجل. Et ce hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad, al-Tirmidhi, ibn Majah, ibn Hibban, al-Hakim, al-Bayhaqi, et d'autres encore. Et authentifié par plusieurs savants, et parmi eux, Sheikh al-Albani. اختلاف العلماء, c'est-à-dire qu'il y a des divergences par rapport à certaines questions qui sont en relation avec Al-Mizan. Certains savants voient qu'il y a plusieurs balances et d'autres savants voient qu'il y a une seule balance. Et ceux qui ont divergé, ou ceux plutôt qui ont eu l'avis parmi les savants qu'ils disent qu'il y a plusieurs balances, ils divergent entre eux également pour dire qu'il y a une balance pour chaque communauté. D'autres ils disent qu'il y a une balance pour chaque personne. D'autres disent qu'il y a une balance pour chaque acte. Ça, c'est pour ceux qui disent qu'il y a plusieurs balances. Et d'autres savants, donc, qui les deuxièmes avis, disent qu'il y a une seule balance pour tout le monde et pour tous les actes. Une seule balance. Et bien entendu, ici, eux vont revenir par rapport au Nusus, à Sabiqa, c'est-à-dire par rapport au texte qu'on a vu. On a vu que dans les versets du Coran, il est cité al-mawazin, c'est-à-dire les balances au pluriel. Et dans d'autres versets, il est cité al-mizan, c'est-à-dire au singulier. Et également dans les hadiths que l'on va voir maintenant. Également dans ce qu'il a cité le shir. Il a cité donc de manière, il a ashara, c'est-à-dire qu'il a simplement fait allusion au hadith, on l'a cité en entier, hadith al-bitaqa, et il cite ensuite deux autres hadiths de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux autres hadiths authentiques. À la kulli hal, ceux qui ont dit donc qu'il y a plusieurs balances, ils disent qu'on trouve ذكر الميزان بالجمع. C'est-à-dire on trouve donc que al-mizan il est cité au pluriel, donc al-mawazin, les balances. Et ceux qui ont dit qu'al-mizan c'est une, tout simplement ils disent qu'il y a aussi des versets du Coran et dans les hadiths, comme on va le voir, ذكر الميزان بالمفرد, c'est-à-dire que la balance est citée mais au singulier. Donc comment répondre les uns aux autres? Les savants qui disent que c'est le qu'il y a plusieurs balances, lorsqu'ils les citent au singulier, ils disent ava ذكر الجنس, ذكر الجنس, ou معنى العدل. C'est-à-dire lorsque dans le Coran ou dans la Sunna il est cité الميزان, c'est-à-dire qu'on veut le jar ici, et ce n'est pas bien sûr المقصود qu'il y a une seule balance, donc c'est le jar qui est cité. Ou alors également comme on a vu dans certains versets, المعنى العدل, c'est-à-dire la justice, معنى الميزان بمعنى la justice. Et les autres savants qui répondent donc à ceux qui disent ou ceux que ceux, les savants qui disent qu'il y a une seule ميزان, ils répondent à ceux qui disent qu'il y en a plusieurs et leur disent ici, lorsqu'on dit الموازين بيرتبار الموزون, c'est-à-dire on prend en compte ce qui est pesé. Là, le mizan, ce n'est pas la balance à elle-même, mais c'est ce qui est pesé. Et ce qui est pesé, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça, on prend en compte ce qui est pesé. Et c'est pour ça donc qu'on trouve le terme au pluriel, al-mawazin. Donc ça, c'est pour les deux avis des savants par rapport à cette question-là. L'autre question aussi où il y a divergence, qu'est-ce que l'on pèse? Al-mawzun. Mano al-mawzun, c'est-à-dire quelle va être la catégorie qu'on veut la peser. Qu'est-ce que l'on va peser? Et ici, il y a aussi également divergence entre certains savants. Certains disent que c'est l'amal, c'est l'acte qui va être pesé. D'autres disent l'amil, c'est-à-dire celui qui a fait les actions, c'est-à-dire la personne elle-même qui va être pesée. Là, l'amal. Ça, en fait, c'est ce qui est cité. Et d'autres savants, ça c'est un troisième avis, disent que c'est suhuf al-a'mal. C'est-à-dire les feuillets qui ont été écrits par les anges, les feuillets à suhuf, comme on l'a vu dans la question précédente, à suhuf. Donc on voit qu'il y a trois avis. Et ici, bien entendu, beaucoup de savants disent que tout est valable, c'est-à-dire également que la personne va être pesée, et on va voir les preuves par rapport à cela, également l'amal et également suhuf, tout va être pesé. Et on a vu par rapport au suhuf, on a vu sijil, on a vu dans le hadith al-bitaqa que c'est bien sûr les livres ou les parchemins qui vont être mis dans la balance. Donc ça c'est une preuve pour dire que c'est suhuf qui ont été écrits par les anges, comme dans le hadith al-bitaqa. Al-amal également, al-amal, on va voir les preuves que le shir qui sont citées, que le shir rapporte indirectement dans le livre. Et pour ce qui est de Al-Anil, celui qui fait l'action qui va être pesé, également on a des preuves. On a des preuves. Et parmi ces preuves, pour ce qui est que la personne elle-même va être pesée, on a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi, et qui est un hadith authentifié également par Shir al-Albani. Et qui est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole, une grande parole par rapport à Ibn Mas'ud. Une parole, une très grande parole par rapport à Ibn Mas'ud. Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Mada yaqul le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur cette personne-là, qui était un des plus grands, un des grands sahaba. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son propos? Vous savez que Abdullah ibn Mas'ud, il est monté un jour sur une échelle, tayyib, et donc il a paru son saq, c'est-à-dire où ses deux mollets. Et il avait des mollets qui étaient fins. C'était une personne qui était fine. Il avait des mollets qui étaient fins. Et donc il y a eu comme un, entre parenthèses, un ricanement, ou istirab, un étonnement. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yaqul, ata'jabuna min diqqati saqayhi, ata'jabuna min diqqati saqayhi, êtes-vous étonné de la minceur de ses jambes ou de ses mollets? Qu'est-ce qu'il dit ensuite le prophète sallam? Walladhi nafsi biyadi lahuma fil mizani athqalu min uhudin. Walladhi nafsi biyadi lahuma fil mizani athqalu min uhudin. Par celui qui détient mon âme dans sa main elles sont plus lourdes dans la balance que Uhud, que bien sûr la montagne de Uhud que tout le monde connaît. Chaque personne qui a visité Médine a visité Uhud. Et ils ont pu s'apercevoir de la grandeur de cette montagne et de la grosseur et de la hauteur de cette montagne. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, elles sont plus lourdes. Ces deux jambes ou ces deux mollets, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Allahu Akbar. Hadith authentique, c'est un hadith qui est authentique. Donc ici, certains savants disent que c'est la personne également qui va être pesée et mise dans la balance. Al-Amil, ils prennent cette preuve. Ils prennent également, ceux qui ont dit ça, la deuxième preuve que rapporte le shir. Bien sûr, il rapporte ces hadiths de manière générale pour nous montrer quelles sont les preuves de la description tirée de la sunna. Et le deuxième hadith, c'est un hadith qui est également authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu la yu'ta bir rajulin al-azim bir rajul al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'ubatin. Certes, on emmènera l'homme imposant et fort. C'est quelqu'un de fort, arvim, imposant, de costaud, de fort. Samin, qui est gros. Samin, gros, fort. Le jour de la résurrection, il ne pèsera pas auprès d'Allah le poids d'une aile de moustique. La yazinu indallahi janaha ba'ubatin. Donc les savants, ils ont pris également cela comme preuve. Puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le verset, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Nous ne leur assignerons le jour de la résurrection aucun poids. Même s'il vient, il fait 2 tonnes, aucun poids devant Allah Azza wa Jal. Pas plus que le poids d'une aile de moustique. Voilà ce qu'a cité le shir par rapport à cela. Et également un hadith que l'on cite en plus. Deux hadiths que l'on cite également en plus. Un hadith par lequel l'imam al-Bukhari a terminé son livre Al-Sahih, l'authentique. Vous savez que l'imam al-Bukhari a commencé son livre par Innam al-A'malu bin-Niyyat, par ce hadith. Il a terminé son livre Al-Sahih par ce hadith et qui fait allusion également à Al-Mizan. Et qui est la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalimatan khafifatan ala al-lisan, c'est-à-dire deux termes qui sont très légers sur la langue, très légers à dire, faqilatan fil mizan, et qui sont très lourds dans la balance, habibatan ila ar-rahman, et qui sont aimés auprès d'Allah azza wa jal, auprès du très miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux termes sont subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ces deux termes. Et donc ça rappelle également pour tout musulman, pour tout musulmane, par rapport à ce dhikr, par rapport à ce rappel, par rapport à cette invocation. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Également un autre hadith qui fait allusion également à al-mizan, et qui est un hadith où il faut méditer et appliquer. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, un hadith authentique, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance de l'homme ou du serviteur le jour du jugement si ce n'est min husn al-khuluq, comportement vertueux. Rien qui est plus lourd que le comportement vertueux, le noble comportement, husn al-khuluq. Celui qui a un bon comportement, un noble comportement, il faut savoir que dans la balance, il n'y a rien qui sera aussi lourd, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'informe dans ce hadith. Et pour finir, inshallah ta'ala, il faut savoir que le mizan, elle a été réfutée par les gens de l'innovation. Elle a été réfutée non seulement par al-Mu'tazila, également par al-Khawarij. Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij, ces deux sectes ont réfuté la présence de la balance. Pour eux, tout ce qui est venu, tous les termes qui sont venus et qui citent Al-Mizan, pour eux, ils le prennent en fait au sens linguistique comme on l'a vu, Al-Adl. Ils disent que c'est tout simplement la justice et qu'il n'y aura pas une balance, une véritable balance, on a vu Phil, dans la définition. Mizanun haqiqiyun hissiyun, quelque chose qui est palpable, que l'on peut voir et qui est véritable, une véritable balance. Ça, ils ne le voyaient pas. Et ils disent tout simplement, ils viennent avec des chouboîtes. Regardez un petit peu les chouboîtes avec lesquelles ils viennent. Des présomptions. Qui sont, bien sûr, de l'ordre de la, du rationnel. Aqliyan faqat. Ils disent, al-a'mal ou a'rab. Sont bien sûr, les actes sont des choses qui sont abstraites, qui n'ont pas de corps, en fait. Donc, comment peut-on, la taqbal al-wazn? C'est-à-dire, comment on peut les mesurer, ces choses-là? Ces œuvres. L'œuvre, on ne peut pas l'avoir. L'œuvre, c'est quelque chose qui est abstrait. Ça, c'est la première chouboîte qu'il donne, Al-Mu'tazila wal-Khawarij. Et comment on leur répond? On leur répond de la façon la plus simple. De la façon la plus simple, subhanallah. Même l'enfant, au plus bas âge, qui a un minimum de compréhension, il peut répondre. Par ce verset. Inna Allah ala kulli shin qadir. Allah azawajal, il est capable de tout. Inna ma amru idha arada shi'an an yaqula lahu kun fayakun. S'il veut Allah azawajal quelque chose, il dit kun fayakun, c'est-à-dire soit ici, subhanallah. Et la deuxième chose qu'ils disent, et regardez sous al-adab ma Allah, c'est-à-dire le mauvais comportement avec Allah azawajal, ils disent al-mizan la yahtaj ilayhi illa al-baqqal, subhanallah. Ils disent que al-mizan, c'est-à-dire la balance, c'est ce qu'a besoin al-baqqal, ce qu'a besoin en fait l'épicier. Regardez sous al-adab. Regardez le mauvais comportement qu'ils ont eu. Mais Allah Azzawajal. Allah Azzawajal n'a pas besoin de Al-Mizan. Mais Allah Azzawajal, il a placé cette balance de par sa sagesse. Et afin, l'Ivhar Kamal Adlillah. C'est-à-dire afin qu'il mette en apparence devant tout le monde sa justice parfaite. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oui, là, il n'a pas besoin. Allah Azzawajal. Laisse bihaja ila Al-Mizan. Liyazin Al-A'mal. Afin qu'il pèse les actes. Allah al-Musta'an. Et également le fait qu'il n'y aura pas d'excuses devant les hommes. C'est-à-dire que lorsque la personne va voir ses actes devant lui et dans la balance, il n'y aura plus d'excuses. La personne l'aurait vu de ses propres yeux. Lui-même suffira comme témoin. Ça c'est également, ça fait partie de l'hikam, ça fait partie des sagesses. Wallah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter là, inshallah, et la semaine prochaine on va continuer par rapport à ce qu'on appelle as-sirat, c'est-à-dire as-sirat, et on verra également al-hawd, et on verra plusieurs questions de croyance par rapport à cela, qui sont en relation avec cela. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.